les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Évocation de la mort d'une mère, puis de l'arrivée du premier visiteur à qui l'on annonce cette mort. La scène se passe 8 bis rue Laurent Pichat, dans le 16e arrondissement de Paris, en 1920, le 14 juin 1920 précisément. Et le 14 juin 1957, sur la chaîne parisienne, pour l'émission Plein feu sur les spectacles du monde, René Villemay recevait Jacques Porel, auteur d'un livre de souvenirs, fils de Réjeanne. Monsieur Jacques Porel, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de votre mère, Madame Réjeanne, mort survenue le 14 juin 1920, j'aimerais vous demander, non pas de nous relater sur le cours de sa vie les souvenirs que vous avez brillamment écrits par ailleurs, mais de bien vouloir nous rappeler, si possible, un fait qui est directement rattaché à cet événement. Oui, oh, il me semble que le fait le plus typique, pour moi d'abord, et en même temps pour les auditeurs qui voudront bien m'écouter, c'est au moment où ma mère est morte le soir, où l'on donnait à l'opéra la répétition générale, ou la première, je ne sais plus très bien, d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, dans la traduction d'André Gide. Elle avait reçu une loge, elle comptait fermement y aller. À plusieurs reprises, elle m'avait dit, ne t'engage pas pour ce soir-là, nous allons ensemble à Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, la traduction de Gide, je tiens absolument à voir ça. Le docteur m'avait fait des signes, et puis j'avais parlé au médecin, le docteur Audister, qui l'a admirablement soigné d'ailleurs, et il m'avait dit, il n'est pas question qu'elle puisse y aller, bien entendu, mais surtout, jusqu'au moment où le spectacle aura lieu, ne privez pas cette femme qui adore le théâtre et qui y va si rarement, de la joie qu'elle se fait d'aller à cette représentation. Par conséquent, mentons-lui jusqu'au bout. Nous lui avons si bien menti que moi, je me suis même habillé, soi-disant pour aller à Antoine et Cléopâtre. Ensuite, je suis bien entendu resté, qu'elle était dans le fond de son lit. Et à un moment donné, vers 10h, elle a eu cette crise qui devait l'emporter. Elle est morte dans mes bras. Dans le désordre qui a suivi immédiatement sa mort, on a sonné à la porte et je me suis trouvé devant un personnage extraordinaire en habit que je connaissais bien, qui n'était autre que Marcel Proust, qui se trouvant ce soir-là à l'opéra, avait entendu dire que Réjeanne était à la dernière extrémité et il avait quitté le spectacle et en bon ami qu'il était, il était accouru rue Laurent Pichat où nous nous trouvions. Je me suis donc trouvé devant Marcel, que j'ai fait entrer, il était en habit. Il avait sa fourrure, parce qu'il portait sa fourrure été comme hiver, et j'ai bégayé, je crois, tombé dans ses bras, il a compris. Il n'a pas dit un mot, cet homme qui parlait si bien et interminablement, il n'a pas dit un mot, il m'a regardé, il est devenu encore plus pâle que d'habitude. Je me suis trouvé avec un fantôme, et un fantôme très ému par la disparition d'une femme pour laquelle il avait la plus grande admiration. Je crois que pour vraiment évoquer cet anniversaire de la mort de ma mère, ce premier visiteur, ces premières, employons un mot affreux, ces premières condoléances muettes que j'ai reçues, étaient celles que m'a exprimées Marcel Proust. Voilà ce que je voulais vous dire. Pourrais-je me permettre maintenant, monsieur Jacques Porel, de solliciter de votre part une confidence? Tout le monde connaît les sentiments qu'un fils peut éprouver pour sa mère, quand cette mère est une femme illustre, comme dans votre cas, ces sentiments prennent-ils une saveur, une couleur particulière? Il y a un conflit. C'est pas, on aime sa mère, et alors on voudrait la voir pour soi tout seul, bien entendu. Or, une mère comme la mienne, il fallait la partager avec beaucoup de monde. Ça vaut mieux que de la partager avec une seule personne. Mais moi, j'ai partagé ma mère avec le public au long de très nombreuses années. Je ne vivais pas avec elle après le divorce de mes parents. Et j'ai toujours senti que j'avais un adversaire qui était cette foule qui l'aimait, qui l'acclamait. Et, mon Dieu, j'étais jaloux du public. Oui, j'ai été jaloux du public pendant tout le temps. Jusqu'à la mort de ma mère, j'ai été jaloux du public. Quand vous étiez... C'est le seul reproche que je puisse lui faire. Quand vous étiez perdu parmi les spectateurs d'une représentation qu'elle donnait, était-ce le fils qui voyait sa mère sur la scène ou étiez-vous un spectateur comme les autres? Je vais vous raconter une anecdote. Elle remonte à très loin, je devais avoir 5 ans. Oh oui, à peu près, enfin, sauf erreur. elle jouait avec Lucien Guitry une pièce qui s'appelait Georgette le Meunier. C'est une pièce de Maurice Denet. Et j'ai été emmené par ma nourrice dans l'avant-scène du Théâtre du Vaudeville où ma mère jouait, c'était le théâtre de mon père, elle jouait avec Guitry. Au second acte, il y avait la grande scène d'amour. Comme immanquablement, il y avait toujours au second acte une grande scène d'amour quand il s'agissait du théâtre de cette époque-là et particulièrement quand les interprètes étaient Réjeanne et Lucien Guitry. Et à un moment donné, Lucien Guitry s'est rapproché de ma mère, l'a pris dans ses bras, il était volumineux, il était puissant, il était très beau, mais très vigoureux, très énorme. J'ai été pris d'une frousse épouvantable quand j'ai vu ce gros homme s'emparer, prendre ma mère dans ses bras. J'ai crié « au secours, maman, maman !» Et on a été forcé de me sortir. Ma nourrice m'a entraîné, c'est mon premier souvenir de théâtre, et c'est en tout cas la première fois que j'ai vu ma mère en scène. Je vous assure que c'était pas agréable. C'était Plein Feu sur le spectacle du Monde. Le 14 juin 1957, René Villemay recevait Jacques Porel sur la chaîne parisienne. Jacques Porel, auteur d'un livre de souvenirs, fils de Réjeanne. Quelques années plus tôt, en 1951, il était également l'invité pour Plein Feu sur le spectacle du Monde, et c'était Marianne Monestier qui l'interviewait. Monsieur Jacques Porel, pensez-vous que le passage au théâtre d'un comédien ou d'une comédienne, si grand soit-il, soit définitif ? En quoi reste-t-il et en quoi disparaît-il ? Oui, évidemment, la coutume est de considérer que le comédien meurt en emportant tout avec lui, et que cet art particulièrement brillant, singulier, éclatant, plus qu'aucun autre, puisque c'est le théâtre, disparaît dès que le comédien nous quitte. C'est vrai, et la mort d'un comédien répand beaucoup de tristesse. Regardez par exemple récemment la mort de mon vieil ami Louis Jouvet. Ça a été véritablement un deuil national. Donc quand le comédien s'en va, on a l'impression qu'il est perdu à jamais. Ce n'est pas absolument exact. Je vois par exemple en ce qui concerne ma mère, Réjeanne, j'entends souvent dire, quand il s'agit d'une jeune comédienne douée, brillant, bizarre, original. Ah, voilà une nouvelle Réjeanne. Peu importe que ce soit exact ou pas exact, ce qui est important, c'est la constatation suivante. Un comédien, un grand acteur, disparaît, mais il ne disparaît pas complètement, puisque un jour ou l'autre, quelqu'un va l'évoquer, quelqu'un rappellera sa mimique, ses gestes, son talent, et on dira... Voilà une nouvelle Réjeanne, voilà un nouvel Lucien Guitry. Dans quelque temps, vous entendrez parler d'un nouveau Louis Jouvet. C'est fatal. Le comédien a plus l'air de mourir qu'il ne meurt vraiment. Voilà ce que je pense. Parlons de la mise en scène, qui est une chose plus tangible et cependant si éphémère. Vous parliez de Jouvet, je vais parler de Georges Pitoyev. Est-ce que vous pensez que le fait que Georges Pitoyev et fait des cabrioles sur la scène au moment de celui qui reçoit des gifles, ce qui à l'époque paraissait une chose extraordinaire, où est monté l'Ilium comme il l'a monté. Est-ce que vous ne pensez pas que, même si aujourd'hui ces mises en scène paraissent dépassées pour une raison ou pour une autre, elles ont tout de même apporté quelque chose qui demeure ? Certainement oui. Après le théâtre romantique, il y a eu le théâtre naturaliste, et des hommes comme Antoine, comme mon père, insistaient beaucoup pour que le bouton de la porte fût un vrai bouton de porte. Ensuite, vous avez eu Copeau, Le Cartel, Le Vieux Colombier, les mises en scène de Dulin, puis Jouvet, et également Pitoyev, qui ont repris l'idée d'une mise en scène, comment pourrais-je dire, une mise en scène idéaliste, c'est-à-dire, au fond, le principe shakespearien, de demander au public d'imaginer l'endroit où la scène se passe. Mais regardez, par exemple, sur Pitoyev, puisque vous parlez de lui, que, hélas, après la mort de Louis Jouvet, nous avons à déplorer celle de Ludmila Pitoyev, qui était une très grande actrice. Je me souviens d'un mot que m'a dit un jour Louis Jouvet. Il m'a dit, mon petit Adrien, il m'appelait toujours Adrien depuis que Farg était mort, parce que quand il aimait bien les gens, quand il avait de la sympathie pour les gens, Louis avait un besoin de leur donner un prénom qui n'était pas le leur. C'était une espèce de plaisanterie qu'il aimait beaucoup, dont il ne pouvait pas se passer, et qu'il fallait admettre et adopter dès qu'on se trouvait avec lui. On le faisait avec ravissement d'ailleurs. Et il me dit, mon petit Adrien, tu vois, nous sommes de bons metteurs en scène, nous faisons ce que nous pouvons pour le théâtre, mais il y en avait un parmi nous, il me disait ça après la mort de Pitoyev, il y en avait un parmi nous qui avait une vertu que nous n'avions pas autant que lui. Il avait le sens du manuscrit. Suivant Jouvet, Le grand don de Peter Jeff, c'était d'avoir ce qu'il appelait le sens du manuscrit, c'est-à-dire de repérer, de trouver, de découvrir et de sentir, de humer quand il lisait un manuscrit, de voir la belle pièce de théâtre. Ainsi, moi, qui suis plus ou moins de théâtre, puisque ma mère était une actrice et mon père était un homme de théâtre et un metteur en scène, je n'ai pas du tout le sens du manuscrit. Quand je lis une pièce de théâtre, je ne me rends pas du tout compte d'où je vais. Je peux être critique et aller voir une pièce, mais s'il faut lire un manuscrit, je n'ai pas le sens du manuscrit, ce qu'avait Pitoyev. Maintenant, vous vouliez dire, oui, pour le théâtre, les mises en scène. Je crois, au fond, c'est l'art le plus éclatant qui soit. C'est également le plus difficile. Le théâtre dure peu. Les choses sont passagères. Les pièces remplacent d'autres pièces. La mode joue un rôle très important. Et je ne crois pas, voyez-vous, qu'il faille le regretter. Il est entendu, vous me direz, qu'il y avait Racine, qu'il y avait Corneille, qu'il y avait Molière. C'est entendu, on dit toujours ça. Mais dès qu'il s'agit du passé, je crois qu'on fait des erreurs peut-être encore plus graves que lorsqu'il s'agit du présent. Mais ce que le théâtre, peut-être, a de plus touchant, en ce qui me concerne en tout cas, de plus touchant, de plus émouvant, c'est justement son côté éphémère. Je trouve que, parce que les pièces disparaissent, les modes font que d'autres œuvres remplacent les œuvres précédentes, mais le théâtre avec un grand T continue. Le théâtre ne meurt jamais, c'est un art magistral, indispensable, la foule en a besoin. Et peu importe que les formes disparaissent, démolissent, meurent, le théâtre, lui, continue. Et les acteurs eux-mêmes, après leur mort, continuent, puisque des jeunes gens arrivent un jour et qu'on dit, j'excuse de me répéter, voilà un nouveau Guitry, voilà une nouvelle Réjeanne. Oui, certainement. Je crois donc qu'on peut dire que de toute façon, cet apport, si anonyme soit-il pour certains, tout de même demeure et compte énormément. Mais non. Est-ce que vous ne croyez pas que le disque et l'écran vont un peu révolutionner tout ceci, en rendant tangible d'une façon plus durable un comédien, ce qu'il a fait, ce qu'il a été? Oui, il est certain, je n'ai pas entendu l'hommage à Jouvet et je pense qu'on a dû entendre sa voix. Et on m'a parlé d'une émission qui venait de très loin et qui était assez difficile à percevoir. Mais en ce qui concerne l'époque de ma mère, par exemple, on n'a pas la voix de Réjeanne, on a la voix de Sarah Bernard, on a la voix de... Je ne crois pas qu'on ait la voix de Guitry, je n'en suis pas sûr, tout au moins. Les procédés de cette époque-là étaient encore très, très défaillants. Il n'y avait pas de perfectionnement technique et il est évident que c'est ce qui adoucit mon regret de ne pas avoir, voire conservé quelque part dans un musée du théâtre, la voix d'une comédienne comme ma mère. Maintenant, comment voulez-vous dire que le disque et l'écran empêcheront les comédiens de disparaître tout à fait? Oui, il est évident que c'est très beau de pouvoir entendre, maintenant qu'on a des procédés absolument admirables, c'est très beau d'entendre, encore une fois, je pense que la voix et l'élocution si particulière de Louis, ça doit être un ravissement et en même temps un très gros chagrin pour ceux qui peuvent chez eux mettre un disque et entendre la voix d'un grand homme de théâtre comme Jouvet. Pour l'époque de ma mère, les résultats sont en général assez déplaisants. Et est-ce que vous n'avez pas peur que par rapport aux époques qui vont nous succéder, le même phénomène ne se passe? Non, c'est très possible. C'est très possible, car alors là, nous sommes dans le domaine de l'avenir, nous ne savons pas du tout quelles seront les inventions prochaines, et nous ne savons pas du tout quelles seront les exigences du public dans 50 ans. C'est ce que je voulais vous faire dire. Ça. J'aimerais pour terminer que vous rappeliez ici quelle a été l'influence de Réjeanne sur les auteurs dramatiques qui l'ont approchée, et que vous me disiez ce que vous pensez, d'une façon générale, de l'influence d'une grande comédienne ou d'un grand comédien sur un auteur dramatique. Là, c'est un point très délicat. L'autre jour, nous avons fait, lundi dernier, le 17 septembre, nous avons fait une émission qui a passé sur la chaîne parisienne que j'avais intitulée « Réjeanne de Paris », et qui avait été d'ailleurs, au point de vue technique et au point de vue réalisation, qui a été surtout faite par mon ami Paul Guimard et par Albert Riera. C'est au sujet de mon livre « Fils de Réjeanne » qui paraît ces jours-ci chez Plon. Et pendant une petite discussion, qui vient à la fin de cet hommage à Réjeanne, on a demandé, Paul Guimard a demandé à Madeleine Renaud ce qu'elle pensait de l'appellation « monstre sacré », et en montrant Yvonne Debray et en parlant de Sarah Bernard, il a dit à Madeleine Renaud « qu'est-ce que vous avez, au somme toute, qu'est-ce que vous pensez de votre état de comédienne à l'heure actuelle ?» Et Madeleine, après avoir rendu un juste hommage à ma mère et à d'autres grandes actrices, Madeleine a dit, avec son extraordinaire bon sens, « Je crois que les comédiennes de cette époque-là avaient une très grande chance, car on écrivait des rôles pour elles. » À ce moment-là, elle s'est tournée vers François Perrier et lui a dit « Je crois maintenant qu'on écrit plutôt des rôles d'hommes. » Et François, qui a 30 ans, a répondu « Il y a du vrai là-dedans. » Mais passons, ce n'est pas ça que je voulais en venir. Elle disait qu'évidemment, à la fin du 19e siècle et au commencement de ce siècle-ci, des auteurs comme Porto Riche, comme Bataille, pour ne prendre que ces deux-là, étaient des hommes qui, pendant 15-20 ans, regardait une actrice, comme ma mère, par exemple, et c'est à dessein que j'ai choisi Porto Riche et Bataille, qui sont probablement, parmi les auteurs contemporains de ma mère, ceux qui ont été le plus marqués par elle, et par qui elle a été le plus marquée elle-même, ils écrivaient des rôles spécialement pour elle, des rôles qui ne pouvaient en réalité aller qu'à ma mère. Porto Riche a écrit plusieurs pièces pour ma mère, des brouilles de théâtre, ils ont souvent séparé, mais quand il a vu ses pièces jouées ailleurs, eh bien, mon Dieu, il y avait une certaine déception, car les rôles étaient faits, si je puis dire, sur mesure. La gesticulation, les manies, les petits tics d'une actrice, tout cela, l'auteur en avait tenu compte, le dramaturge l'avait écrit entre les lignes de son texte. Par conséquent, vous me demandez, est-ce qu'il y a influence ? À cette époque-là, il y avait certainement grande influence des grands acteurs sur les dramaturges importants. Est-ce que, dans une certaine mesure, ça a limité l'importance de leurs ouvrages ? C'est fort possible, et la génération qui est venue ensuite, la mienne, est allée du côté du vieux Colombier, s'est éloignée du boulevard, puis de Jouvet, puis de Dulin et du Cartel, justement, en antagonisme contre cette espèce de complicité merveilleuse, mais enfin complicité tout de même, qu'il y avait entre les acteurs et les auteurs pour créer sur scène une espèce d'illusion dont le public était, si j'ose dire, la victime ravie. Jacques Morel au micro de Marianne Monestier, c'était en 1951 pour l'émission Plein Feu sur les spectacles du monde. Ces deux entretiens de Jacques Morel sont à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.